Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la crise des obus de 1915. Les mitrailleuses tirées, les obus tombés, c'était mélangé dans les obus français, les obus allemands, les mitrailleuses françaises, mitrailleuses allemandes. Si tu réussissais à sauver ta peau, tu la sauvais. Si tu réussissais pas, tu étais pris. Les mitrailleuses tiraient, les obus tombaient, rappelle le soldat Marius Lefebvre à l'antenne de Radio France en 1979. Les mitrailleuses tiraient et les obus tombaient à un point tel durant la Première Guerre mondiale que très vite, on va en venir à carrément manquer de munitions. Et cette pénurie de munitions va rapidement, elle, se transformer en crise politique en Angleterre pour devenir ce qu'on va appeler la crise des obus. Et cette crise va avoir des répercussions dans tout le Commonwealth, ce qui fait qu'un pays comme le Canada va bientôt être mis à contribution dans cet extraordinaire effort de guerre téléguidé par Londres pour fournir suffisamment de munitions aux poilus qui se battent sur le front. Les Zeppelins bombardent Londres pour la première fois dans l'histoire. Les Anglais prennent conscience que le cœur de l'Empire est maintenant vulnérable. Une nouvelle guerre est en marche. La guerre de l'industrie, la guerre de destruction, d'écrasement. Tuer le plus d'êtres humains dans le moins de temps possible. Un déluge d'inventions de plus en plus meurtrières. Des grenades de toutes sortes. Des obus de tout calibre. Des recherches scientifiques détournées pour produire des gaz mortels. Comment les hommes vont-ils supporter ce voyage au bout de la nuit? Ce voyage au bout de l'enfer? Extrait de la série documentaire Apocalypse, réalisée par Daniel Costel et Isabelle Clark. Pour nous rappeler cet épisode très particulier de la crise des obus en 1915, je reçois l'historien David Girard, qui est spécialisé en histoire industrielle et urbaine. David Girard, bonjour. Bonjour. De quoi on parle d'abord quand on parle de crise des obus, David Girard, et quelle importance a cet épisode-là, l'épisode de la crise des obus, dans l'histoire de la Première Guerre mondiale? On parle d'abord d'un changement de stratégie important. En décembre 1914, la guerre vient de commencer et on se rend compte très rapidement, en fait, que les soldats ne peuvent pas se lancer sur un champ de bataille parce qu'ils sont décimés par l'artillerie adverse. Donc, on va creuser des tranchées et la guerre va s'enliser. Ce que ça va entraîner comme conséquence, en fait, c'est une utilisation excessive de munitions. Et puis, à l'automne 1914, on commence à manquer de munitions. Le gouvernement français est déjà parti, enfin, a quitté Paris pour s'installer à Bordeaux. Donc, rapidement, on a besoin de subvenir aux besoins, à la demande de munitions parce que sinon, on va perdre la guerre, tout simplement. Donc, on doit revoir nos systèmes de production pour les besoins de la guerre, finalement. On l'entendait dans l'extrait du documentaire Apocalypse, c'est vraiment nouveau, c'est un nouveau type de guerre auquel on fait face, qui consomme beaucoup, beaucoup de munitions et qui mobilise les industries des pays qui sont en guerre. Cette fameuse guerre industrielle là, qu'on évoquait, c'est ça à quoi on fait face pour la première fois dans l'histoire. Oui, c'est nouveau, en fait. On a besoin de la structure industrielle pour... en fait, c'est l'ensemble d'industries qui est mobilisée pour répondre à ces besoins-là. Ouais. L'élément déclencheur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient une crise, ce manque de munitions? Bien, en hiver de 1915, les autorités militaires avisent les dirigeants politiques de la Grande-Bretagne, mais rien n'est fait. C'est le premier commandant du corps expéditionnaire britannique, John French, qui va faire une sortie médiatique en pleine guerre. C'est très rare, là. Il va se rendre donner une entrevue au journal The Times. Il va décrier publiquement, il va dénoncer publiquement en fait, la situation. Il va dire « On manque de munitions au combat, on a besoin davantage d'obus pour pouvoir gagner la guerre. » En temps de guerre, normalement, on va chercher à cacher nos faiblesses à l'ennemi. Et puis là, lui, il étale ça au grand public, finalement, ouais. Au grand jour. Un cri du cœur, finalement. Exactement. Et finalement, les autorités politiques n'ont pas le choix de répondre. Le 20 avril 1915, Asquith, le premier ministre de la Grande-Bretagne, va faire une conférence de presse. En gros, dans son message, il dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons suffisamment de munitions pour répondre aux besoins des armées alliées. » Mais ça ne s'arrêtera pas là parce que, d'abord, il y a eu ce premier avertissement servi par French et arrive une bataille où, oui. Qui va encore une fois, illustrer le problème. La pénurie de munitions, elle est réelle. Et cette fameuse bataille, c'est la bataille de la crête d'Aubert. Ça va contribuer, ça, à l'éclatement de cette crise des obus. On écoute les témoignages de deux vétérans de la Première Guerre mondiale parler de cette bataille, la bataille de la crête d'Aubert, dans un documentaire de la BBC en 1964. Half of us were knocked out, either killed or wounded. La moitié d'entre nous avait été tués ou blessés. En traversant le pré, plusieurs autres ont été tués. Nous nous sommes accroupis pour nous mettre à l'abri des rafales incessantes des mitraillettes ennemies. Tout à coup, un sergent s'est levé et s'est écrié « Allez les gars, soyez britanniques ». On l'a suivi. 6 mètres plus loin, lui-même tombait. « Come on, men, be British ». We jumped up and followed him, and he ran about 6 yards, and he went down. Well, we ran on about another 20 yards. On a couru sur une vingtaine de mètres, et nous avons vu les tranchées allemandes. Elles étaient pleines de soldats armés jusqu'aux dents, avec leurs mitraillettes dirigées contre nous. Firing machine guns, rifles straight at us. We were in a battery of 15 pounders, 4 guns. Nous n'avions que 4 carabines et nous manquions constamment de munitions. Nous n'avions droit qu'à seulement 4 cartouches de munitions par jour. Nos réserves de munitions étaient complètement à sec. Nous avons été abandonnés là, complètement seuls et désespérés. And we're left there absolutely helpless. Ah, qu'est-ce qui se passe exactement, David Girard, lors de cette fameuse bataille de la crête d'Aubert et de quelle manière cette bataille-là va finalement devenir une crise politique, la crise des obus? La bataille a lieu le 9 mai 1915. C'est en fait une diversion à l'offensive française sur Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'à 5 heures du matin, l'artillerie, il y a une attaque de prévu. L'artillerie commence à pilonner le champ de bataille. Donc, à 5h30, les troupes sortent des tranchées pour attaquer les Allemands. Et puis, finalement, les mitrailleuses allemandes sont encore en fonction, ce qui surprend les troupes britanniques. Ils y vont pareil. Et à 6 heures, 30 minutes plus tard, la bataille est finie. Ça s'est passé assez rapidement, en fait. Et puis, la 8e division britannique, qui était parvenue à enfoncer les lignes ennemies, doit se replier, faute de support. Et puis là, en 30 minutes, au total, c'est 11 000 pertes britanniques, tués, disparus, blessés, et dont beaucoup d'officiers. Là. C'est un des plus hauts taux de pertes durant toute la guerre, d'ailleurs. Là. Ce qui va choquer, évidemment, l'opinion publique britannique. Tout à fait. Est-ce qu'il va avoir des rebondissements très concrets au Parlement de Westminster à Londres? Et l'une des cibles, ça va devenir une affaire politique. C'est là où on entre dans cette crise des obus comme telle. Et l'une des cibles de l'opposition, entre autres à Londres, ce sera Lord Kitchener, qui est ministre de la guerre, secrétaire de la guerre à ce moment-là, avant de voir de quelle manière il va être au fond un peu le bouc émissaire de cette crise-là, Kitchener. Oui. On va entendre André Mauroy parler de l'importance de Lord Kitchener pour qu'on comprenne à qui on a affaire. Il est naturel que l'Angleterre, entrant en guerre en août 1914, ait aussitôt pensé à confier le War Office, c'est-à-dire le ministère de la guerre, à Lord Kitchener. C'était certainement, parmi tous les soldats britanniques, celui qui avait eu la carrière la plus brillante, qui avait résolu des questions qui semblaient insolubles, aussi bien en Égypte qu'au Transvaal et qu'aux Indes. Bref, il semblait le plus désigné pour créer l'armée dont l'Angleterre avait besoin. Ce n'était pas facile, car l'Angleterre partait en guerre avec 6 divisions. 6 divisions d'armée régulière, c'était peu et c'était tout à fait insuffisant pour venir en aide à ses alliés français. Eh bien, Kitchener s'attela à cette besogne, tout de suite entama le recrutement des volontaires, et qu'on eut ainsi des hommes qui partaient de bon cœur et qui étaient décidés à se battre. Il réussit si bien qu'en 1916, lorsqu'il mourut, il avait 66 divisions et 3 en préparation. Alors, C. Kitchener est un brillant architecte militaire, selon ce que nous dit André Mauroy dans cet extrait d'entrevue qu'il accorde à l'ORTF en 1965. Il reste qu'il va être sacrifié au cours de cette crise politique. Il y a un manque de munitions. Il y a un premier article où quelqu'un prévient, dit « on manque de munitions sur le front ». Il y a cette bataille dont on vient de parler où on en a encore une nouvelle preuve. Et il y aura un deuxième article qui, là, va faire éclater la crise politique à Londres et Kitchener sera le bouc émissaire. Racontez-nous cet épisode-là. Oui, mais c'est Lord Northcliffe, en fait, qui est propriétaire du journal The Times et du Daily Mail, qui, lui, va perdre son neveu sur le front durant la bataille de la crête d'Aubert, le 9 mai 1915. Évidemment, il va tenir Kitchener responsable de la mort de son neveu parce que, en plus de ses responsabilités de secrétaire d'État à la guerre, Kitchener est également responsable du système de production de munitions. Ouais. Donc, pour lui, c'est simple, c'est lui le responsable. Et l'opinion publique va être du côté de Lord Northcliffe, en fait. Là. La pression va monter sur le gouvernement et sur Lord Kitchener également, au point où, 8 jours plus tard, le gouvernement anglais tombe complètement. Asquith demeure cependant premier ministre. Il va mettre sur pied un gouvernement de coalition avec un nouveau ministre des Munitions, Lord George. Kitchener, qui a été sacrifié quand même, mais demeure tout de même secrétaire d'État à la guerre. On vient d'entendre dans l'extrait qu'il a joué après, ouais. précédemment. Mais il va perdre ses responsabilités là, liées à la production de munitions. Comme ouais. Et ça, c'est une première étape. Donc, on résout cette crise-là en toute urgence. Et puis, le premier ministre essaie carrément de sauver sa peau. Il va réussir avec ce gouvernement de coalition. Mais c'est une première étape. La deuxième étape qui arrive assez vite, le 2 juillet 1915, c'est l'adoption d'une loi par le Parlement britannique qui se veut un petit peu la réponse concrète à la crise des obus, la loi sur les munitions de guerre. Que prévoit cette loi-là? Mais sous la gouverne de Lord George, le gouvernement adopte la loi et, en fait, c'est qu'il va se servir du Commonwealth au complet pour améliorer le système de production. En Grande-Bretagne, la loi fixe les profits des dirigeants d'entreprise, donc plus moyen de tourner les coins ronds pour s'en mettre dans les poches, comme on dirait à l'époque. Vraiment, là, il va y avoir des prix fixés, on ne peut pas dépasser tel montant. On va également faire passer les manufactures sous le contrôle de l'État. On va suspendre les droits des travailleurs, les heures sont contrôlées, des procédures pénales sont appliquées si un travailleur quitte son emploi avant la fin du quart. Et on va également là, construire des usines dédiées à la production de munitions. Donc, c'est presque l'État, en fait, qui devient maître d'œuvre de tout un secteur de l'économie qui est consacré à l'effort de guerre. Oui, tout à fait. Le Canada va... évidemment, on a vraiment besoin de munitions. C'est une guerre industrielle qui implique que tout le monde participe à l'effort de guerre. Et pour Londres, ça veut dire qu'un pays comme le Canada, tous les pays du Commonwealth, en fait, vont devoir participer à cet effort de guerre. Quelle forme ça va prendre, cet effort-là, au Canada? Au Canada. On le faisait depuis déjà septembre 1914, quand même. On produisait des munitions. C'était le Shell Committee qui avait été mis sur pied pour répondre à la demande de l'Angleterre. Ce qu'on voulait à l'époque, c'était 200 000 obus. Et le comité était constitué de 4 membres militaires et 6 membres issus d'industrie qui avaient ensemble la responsabilité d'organiser, de superviser la production de munitions. Le comité avait été capable de garantir la production de 20 000 obus pour le 1er novembre 1914 et de 30 000 par la suite. Mais ce n'était pas suffisant, en fait, là, pour répondre à la crise qui se développait en Europe parallèlement à ça. Oui. Très concrètement, je lisais en préparant cette émission qu'en France, par exemple, l'industrie automobile va... l'infrastructure de cette industrie-là va être mobilisée pour produire de l'armement de guerre, pour produire des munitions. Chez nous, au Canada, comment va fonctionner cette machine de guerre? Qui va être mis à contribution? On va s'appuyer sur la structure industrielle qui est déjà en place, évidemment, c'est plus facile. Donc, mettons, par exemple, l'acier là, va être extrait par la Nova Steel Company, la Canada Forge Company. On va envoyer la matière première au Canadien Pacifique, qui, lui, va faire les machines pour produire les obus. On parle de machines assez sophistiquées, là, des presses qui peuvent exercer une pression de 250 à 900 tonnes. Donc, il faut les construire, ces machines-là. Et puis, les différentes pièces vont être confectionnées par, entre autres, la Gilbert Thompson ou encore la Canadian General Electric Company, qui sont des entreprises qui appartiennent aux membres du Shell Committee. Donc, on va vraiment se fier à ce qu'on a sous la main directement, en premier lieu, finalement. Ouais. Et puis, à cela, évidemment, on ajoute des grandes entreprises comme la Dominion Bridge à Ville-la-Chine, la Montreal Ammunition Company, la Montreal Locomotive Company ou encore la Canadian Cartridge. La matière explosive, elle, sera la responsabilité de la Canadian Explosive Limited qui possède deux importantes usines, une à Nobel en Ontario et l'autre à Belleuil, ici au Québec. Ouais. Et vous l'avez un peu mentionné quand vous avez parlé du Royaume-Uni, de ce que ça va vouloir dire la production de munitions au Royaume-Uni. Dans les usines comme telles, ça change beaucoup de choses pour les ouvriers. Ça va être la même chose ici. Oui, en fait, les conditions de travail sont difficiles pour les ouvriers. Ici aussi, les heures sont limitées, les heures sont contrôlées, et puis il n'y a plus vraiment de droits qui leur appartiennent aux travailleurs. Donc, journée presque illimitée, on ne peut pas quitter son poste sans avoir l'autorisation. Ce genre de mesures qui sont dans un contexte normal, complètement excessives. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Vous avez dit quelque chose. Bon, d'abord, le Royaume-Uni, quand on a décidé de mettre en plan ces mesures avec une loi pour fabriquer des munitions de manière massive, on s'est assuré qu'il y a une certaine indépendance, que ce soit l'État qui contrôle tout ça. Vous venez de dire qu'au Canada, ce fameux Shell Committee, il y a... sur ce comité-là, des industriels qui oui. profitent eux-mêmes de contrats pour fabriquer des munitions. Tout de suite, là, on sent qu'il y a peut-être un potentiel conflit d'intérêts possible. Et de fait, on va assister au Canada à ce qui va devenir un scandale politique. On va appeler ça ici le scandale des fusibles. Oui. De quoi parle-t-on? Ah ben, le Shell Committee publicise très peu d'informations au sujet de ces opérations. C'est caché, en fait. Et les manufacturiers qui sont présents sur le comité à l'époque sont très proches du premier ministre conservateur, Robert Borden, et du Parti conservateur aussi. Le Parti libéral va commencer à poser des questions sur le processus d'octroi de contrats. Il va se mettre à soulever des irrégularités, en fait, qui sont de deux types. Le premier, c'est du patronage politique. Il y a donc des interventions directement en faveur de clients. Par exemple, Universal Tool Steel Company, qui est très proche du ministre, dont le propriétaire est très proche du ministre Sam Hughes, se voit octroyer un contrat au détriment d'un compétiteur, mais la première entreprise n'a aucune compétence pour développer, pour construire des munitions. Ça va retarder donc la production de munitions, ultimement. La deuxième, c'est le versement de commissions. Là, il y a, par exemple, un membre du comité vous approche et vous obtenez le contrat en échange d'une redevance de 1,6% qui va dans les poches du membre qui vous a donné le contrat. Évidemment, on comprend que ça retarde la production et les gens qui en paient le prix de leur vie, ce sont les soldats qui sont dans les tranchées en Europe, en fait, qui, eux, ont besoin de munitions pour combattre la nuit qui arrive. Puis évidemment, ça nous montre que cet effort de guerre, il est très, très payant pour l'industrie qui doit produire ces munitions et qu'il profite donc aux amis du pouvoir. En gros, si on veut faire simple, c'est ça le scandale. Avec cette redevance, avec un petit retour d'ascenseur pour le Parti conservateur, c'est ça, en gros, le scandale. Des fusibles. Ça devient très, très embarrassant, cette affaire-là, tellement que le gouvernement conservateur de Robert Borden doit créer une commission royale d'enquête, la commission Meredith Duff. Que va conclure cette commission, David Girard? Eh bien, au début, il résiste, évidemment, parce qu'il veut pas que le Parti conservateur soit entaché. Il a peur des conséquences politiques, finalement, d'une enquête. D'une commission d'enquête. La commission conclue, va étudier la situation. Elle va se concentrer sur les entreprises américaines qui obtiennent des contrats. La commission conclut qu'il y a finalement une commission qui est versée également, mais pas un pourcentage. C'est-à-dire que, par exemple, si une entreprise américaine peut produire un fusil pour 2,50, le membre du Shell Committee va lui donner le contrat à condition que l'entreprise le produise pour 3,50, par exemple. Le dollar supplémentaire revient dans les poches du membre qui a octroyé le contrat. Évidemment, cette commission-là a lieu en 1915, au même moment où l'Angleterre est en crise politique et doit revoir son système de production de munitions. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va abolir le Shell Committee complètement et on va repartir avec le Imperial Munition Board sous la gouverne de Joseph Flavelle, qui va lui réorienter la production pour justement s'ancrer dans les nouvelles politiques de Londres, pour suivre un peu ce que Londres fait, car on est un membre du Commonwealth, on doit répondre finalement aux besoins des alliés. Et cette nouvelle structure, en fait, c'est un petit peu une structure qui est similaire à ce que vous décrivez il y a quelques minutes, ce qui avait été décidé en Angleterre, c'est-à-dire que c'est quasi une étatisation de tout un secteur industriel. L'État va vraiment contrôler cet homme-là, contrôle-là. C'est gigantesque ce que ça veut dire. C'est comme une entreprise de guerre qui est créée et encadrée par le gouvernement fédéral. Ah, tout à fait. Là, les pleins pouvoirs, en fait. En 1917, là, au plus fort de la guerre, c'est 250 000 travailleurs et travailleuses qui travaillent finalement, pour le Imperial Board Munition. C'est considérable. C'est la plus grande entreprise canadienne à l'époque, tout simplement. Là. Et ce qui est aussi, avec le recul, troublant ou amusant, c'est selon, c'est que Borden réussit, crée cette commission royale d'enquête, mais s'arrange pour que les entreprises, les industriels canadiens ne soient pas, que leur comportement ne soit pas scruté, examiné par la commission d'enquête. On ne fait que prendre des entreprises américaines. Exactement. C'est fou. Le risque est moins grand. Ouais, pour pas qu'il y ait d'éclaboussures du côté du gouvernement conservateur en place. Au final, quel impact aura eu le Canada dans... On revient à la crise du départ, la crise des obus, la crise des munitions. Quel impact aura eu le Canada dans la résolution de cette crise-là? La réponse rapide des manufacturiers canadiens aux commandes de Londres a permis de compenser la baisse de production d'Angleterre, particulièrement au début de la guerre, en 1915, quand on réoriente la production, quand on crée le Imperial Munition Board avec Joseph Flavelle. Là, on va vraiment avoir un impact important sur la capacité de résistance des Alliés, la capacité de combattre des Alliés face à l'envahisseur allemand là, qui est en France encore à ce moment-là. Mais est-ce que notre effort, en fait, correspond à notre poids dans le Commonwealth? Ou si on peut dire que le Canada a même eu un poids plus grand? C'est ça que j'essaie de mesurer, l'impact qu'a eu le Canada dans cet effort industriel dans le premier conflit mondial. L'impact du Canada est plus large. En fait, en termes de... On n'a pas juste produit des munitions, on a produit des uniformes aussi, on a produit de la nourriture aussi. On avait un impact qui était quand même assez considérable en rôle de soutien. En termes de munitions, c'est 45 millions sur environ 1,3 milliard d'obus tirés, mais toutes armées confondues. Ouais. Donc, c'est difficile de savoir exactement combien de munitions ont été envoyées justement en Europe. Et le poids et la comparaison est difficile à faire avec les autres pays du Commonwealth, comme l'Australie, par exemple, qui a également fourni un apport important à ce moment-là. Et pour l'économie canadienne, parce qu'on l'a vu, il y a eu des scandales politiques, c'est pas innocent, c'est que c'était très, très, très payant pour certains industriels, cette Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça a voulu dire, cet effort de guerre, durant le premier conflit mondial pour l'économie canadienne, David Girard? En 1914, l'économie est en léthargie complète. Le taux de chômage est très élevé. Et puis là, tout d'un coup, il y a une entrée d'argent très importante. On va embaucher 250 000 travailleurs. En fait, ça relance littéralement l'économie canadienne. Et puis, à partir du moment où les Britanniques ont restructuré leur système de production. Ils ont moins besoin du Canada pour fournir des munitions. Ce sont les Américains qui déclarent la guerre à l'Allemagne en 1917, qui vont devenir les principaux clients du Canada, qui vont se mettre à acheter des munitions qu'on produit ici, en fait. Sans compter, on n'en a pas parlé, mais ce serait le sujet d'une autre émission, que ça aura sur, par exemple, l'entrée des femmes sur le marché du travail, un impact considérable, ce premier conflit aussi. Oui, tout à fait. Puis elles sont embauchées en grand nombre pour répondre aux besoins de main-d'œuvre à ce moment-là. Et on les retrouve dans toutes les étapes de la fabrication, là. Autant dans les étapes légères que dans les salles de machines, où elles démontrent une forte tolérance aux travaux lourds qui sont exécutés dans la chaleur des fonderies, des entreprises métallurgiques. David Girard, historien spécialiste en histoire industrielle et urbaine. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.